Nous en sommes au dernier bloc de l'émission, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et on va débuter ça avec quelques belles nouveautés que j'ai reçues récemment. Bon, on va commencer avec Claude Bellefeuille. Je ne me trompe pas, il est de Saint-Boniface au Manitoba, de son album Collé. On va entendre la pièce qui s'appelle tout simplement La Voilà. Vous allez voir de belles trames piano-voix. Donc, ça s'en vient. Par la suite, content de l'avoir croisé au Contact Ontarois, on s'est présenté et j'ai reçu son album. Je parle bien sûr de Étienne Fletcher de la Saskatchewan. On va entendre la pièce Soleil de son album Côté A. Et ça aussi une pièce fort intéressante que j'aime bien. C'est un bon produit et Étienne Fletcher est de plus en plus populaire. Et on va terminer ce premier bloc avec tout simplement Bernard Salva. Bernard Salva, il est de Edmonton. C'est un produit qui est sorti en 2011. Je comprends pas pourquoi je n'ai pas pu mettre la main là-dessus avant ça. Mais un produit fort intéressant qui s'appelle Transport. Ça, c'est l'album. Et j'ai choisi la pièce Nouveau Monde de Bernard Salva. Je trouve ça vraiment intéressant. Beau timbre de voix, belle musique aussi. Donc, c'est à étudier un peu plus profondément, bien sûr, parce que lorsque je reçois des albums, souvent, je fais une écoute, ce que j'appelle un surfing, une écoute rapide, et oh, OK, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Mais à force de mieux écouter, on voit toutes les subtilités de l'album. Donc, allons-y avec ce premier bloc de nouveautés. Voici Claude Bellefeuille et sa chanson « La voilà ». Celle qui me rend fou, la voilà, je veux tout lui donner, tout, la voilà, je la respire, la voilà, je me sens ivre, si seulement elle me voyait, la voilà, elle ne me voit pas. La voilà, comme si je n'existe pas. Je la vois, même qu'elle n'est pas là. C'est pourquoi il faut que j'arrête ça. Ça fait trop mal d'aimer. Je sais qu'un autre l'aime. L'aime comme un fou. Elle inspire mes poèmes. Ses peines perdues. La voilà. Je vois juste elle. La voilà. Je pense que je l'aime. La voilà. Elle me fait fondre. La voilà. Je n'ai plus de monde, prisonnier de mes pensées. Je sais qu'un autre l'aime, l'aime comme un fou. Elle inspire mes poèmes, ses peines perdues. Je sais qu'un autre l'est. l'aime comme un fou. Elle inspire mes poèmes. C'est peine perdue. J'avais seulement 15 ans. Une passion de courte durée. Mais avec un peu de temps, la vraie m'a trouvé. Voilà la mère de mes enfants, la voilà celle qui m'a vu quand, la voilà on s'avait croisé, la voilà c'est elle qui m'a remarqué, heureusement qu'elle m'a vu. Ça vient des fois, mais y'a du beau temps qui s'en vient, je vois. J'ai le soleil dans les yeux maintenant, c'est le soleil qui gagne. Elle se dandit devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai le cœur dans le bar, j'ai la face d'un bœuf et je vois cette chanson-là sera pas triste. Dans un très beau pays, les fleuves s'écoulent, vous bercez vous en bout de la nuit. Assis au bord des pleurs, j'ai plongé dans ton cœur et je sens comme un sentiment secret, tendre et violent, caressé, caressant. Je sens comme un sentiment. Je crois que je vais mordre dedans, comme dans un fruit paradis. Cette chanson-là sera pas triste. Au bord des pleurs, j'ai plongé dans ton cœur et je sens comme un sentiment secret, tendre et violent, caressé, caressant. Je sens comme un sentiment. Je crois que je vais mordre dedans, comme dans un fruit du paradis. Caressé, caressant, je sens comme un sentiment. Assis au bord des pleurs, j'ai plongé dans ton cœur et je sens comme un sentiment. C'est un accord secret entre tes lacs gelés et mes couleurs méditerranées. Produit fort intéressant, Bernard Salva d'Edmonton et la pièce Nouveau Monde tirée de son album Transport. Fort intéressant, je ne connaissais pas vraiment. Donc, preuve qu'il faut que je continue à travailler fort, à gratter pour l'Ouest canadien parce qu'il se fait de bons produits de ce côté-là. Bon produit, s'il y en est un, c'est celui de Rihanna. Toujours intéressant ce qu'elle fait. Je l'ai croisé lors de la conférence de presse des prix Trior au Contact ontarois et elle me disait que bientôt, là, je pense c'est début mars, l'album, un album s'en vient complet, un album en français. Donc j'ai bien hâte de recevoir ça et puis c'est avec plaisir qu'on va faire tourner la pièce en attendant demain. Très bonne pièce de Rihanna. Autre bonne pièce que j'ai reçue, et ça, c'est, ça a été lancé le 25 janvier. Donc, il y a un clip qui suit ça également. C'est Pontex. Pontex avec une nouvelle chanson, Faux Pas. L'album devrait arriver ce printemps, j'imagine. Ça a été enregistré chez Fred Levac de Pandaléon. Et Levac, en passant, enregistre beaucoup d'albums pour plusieurs artistes. Et c'est vraiment bon tout ce qu'il fait. Donc, j'aime bien ça. Faux pas de Pontex intéressant. On va terminer avec Sophie Villeneuve et Le Baluchon par la suite. La sonnerie se réveille soudain pour venir accompagner le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée. Par le béton qui l'a We'll be right back.